Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Aujourd'hui, on reçoit un journaliste, un voyageur. Quand il n'est pas en train de faire des vidéos ou en train de faire le tour du monde, il aime bien regarder des séries comme nous. J'ai nommé Maxime Cassard. Bonjour Maxime. Salut les gars. Coucou Maxime. Es-tu happy d'être là avec nous? Ouais, je suis super content. Ça, c'est un plaisir. Important. Nicolas, bonjour. Bonjour. Bonjour, je te prends au dépourvu entre deux bougeages de... Faut me tester, faut me réveiller de bouton. Début de l'émission, désolé, c'est très bien. Désolé. Alors, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va vous parler de séries et de musique avec une petite touche de nostalgie. Générique fou, synchro de déglingo et original soundtrack de légende. Le Memento musique de série, c'est tout de suite sur Radio Panique. Tyler Bates and Trey Adams, le thème de Californication, cette magnifique série qui avait plein de super musique. En parlant de séries et de musique et de nostalgie et de séries cultes, Maxime, tu as quelque chose pour nous? Ouais, série culte, je vais vous parler de Friends. Friends, ça fait 25 ans que la série existe, c'est assez fou, la série est toujours aussi géniale. Et elle est toujours numéro 1 sur Netflix. Ouais, ouais, je ne sais pas jusque quand elle va rester sur Netflix, mais voilà, j'espère qu'elle va rester longtemps encore. Et je vais vous parler d'un générique, le générique qui est devenu culte. Au début, ce générique n'était pas du tout prévu pour être un single planétaire comme ça l'est devenu. C'est juste un petit morceau de 40 secondes créé pour être le générique de la série. Les paroles étaient même écrites par les producteurs eux-mêmes, les producteurs de la série. Mais ensuite, les radios ont décidé de diffuser ce générique de plus ou moins 40 secondes en boucle sur les ondes. Et au vu de l'engouement, la Warner oblige donc les Rembrandt, ceux qui ont écrit et composé la musique, à en faire un morceau plus long et un véritable morceau de 3 minutes voit le jour. Et ce morceau aura même un disque de platine. Your job's a joke, you broke. Your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like a big man before, I'll be there for you. Cause you're there for me too. De Friends, on passe maintenant à une série un peu plus trash. Elle vous a peut-être donné des envies de deal. Qui sait ? Hein, Nico ? Alors, bah oui, c'est ma grosse Mercedes classe A noire dans mon garage et dans ma grosse villa de Bruxelles le prouve, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment, des années de deal à mon actif. Oui, donc Weeds, une série que j'ai pas mal regardée, pas jusqu'au bout, parce que comme beaucoup de séries, elle a la fâcheuse tendance à un petit peu... S'essouffler. Ouais, c'est ça, un peu tiré sur la longueur. Mais donc, la série, c'est de 2005 à 2012, l'histoire de Nancy Botwin, devenue veuve un peu précipitamment suite à la mort de son mari, logique, qui se met à vendre du cannabis à ses voisins pour arrondir ses fins de mois. Alors, la série se déroule dans une ville typiquement résidentielle, fictive, américaine, qui s'appelle Agrestic. Alors j'ai appris en faisant les petites recherches que Agrestic, c'était l'anagramme de cigarette. Voilà, je sais pas trop ce que ça nous met. Voilà. Petit fun fact placé. C'est un peu de l'ironie pour parler de la weed. Exactement, petite ironie. Et petite ironie qui continue avec le générique de la série qui est un peu célèbre, qui s'appelle Little Boxes, qui a été composé par Malvina Reynolds dans les années 1962. Et c'est un petit peu une chanson contestataire, comme ça, de ces fameuses cités résidentielles américaines où il y a de nombreuses et de nombreuses villas qui se ressemblent toutes, qui sont tous entassées les unes contre les autres. On la diffuse l'original et on en parle juste après. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children... Little Boxes, on va pas l'écouter jusqu'au bout parce que vous allez voir, je vais vous en rediffuser une autre version, puisque justement ce générique saison 1, c'était cette chanson de Malvina Reynolds qui passait à chaque épisode, à chaque début d'épisode. Mais saison 2, saison 3, ils ont eu l'idée, les producteurs, de demander à plein de groupes différents d'interpréter à leur sauce ce générique. Et donc on s'est vu une kyrielle de reprises de Linkin Park. Il y a une version rap, il y a une version classique, il y a plein de versions qui partent dans tous les sens. Et les paroles de la chanson, on l'a dit, c'est un côté un petit peu contestataire sur ces villas qui se ressemblent toutes. Tiki-taki, ça fait un peu référence à le côté fait tout petit rien, des maisons un petit peu fragiles, un petit peu... Ouais, voilà, bon marché, on va dire, avec tous les défauts que ça implique. Et il y a le côté cyclique de la chanson, des petites maisons avec des petits avocats, des petits businessmen qui y habitent. Ils ont été à l'université, ils se sont achetés une belle petite maison, ils vont fonder une petite famille, ils vont avoir des enfants qui eux-mêmes vont aller à l'université, qui eux-mêmes vont s'acheter des petites maisons faites de tout petits rien, etc., etc. Sauf qu'à un moment dans la série, tout ce petit monde finit par acheter de la weed. Oui, un petit peu, et je crois qu'au final, toutes ces petites maisons finissent par brûler, même à la fin d'une des saisons. Je pense que c'est la fin de la 2, si je me rappelle bien. Oui. Je me trompe si ce n'est pas le cas. Bon, la chanson un petit peu calme, Little Boxes de Malvina Reynolds. Il y en a eu, on l'a dit, différentes versions. Là, on va s'écouter une petite version un petit peu plus péchue de Raise Against Little Boxes, toujours. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one. They're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses went to the university where they were put in boxes. They came out. We'll be right back. reprise donc du thème de Weeds, reprise ici par Raising. Oh, ça réveille hein, là. Un petit peu énervé, j'aime bien. Un poil énervé, effectivement. Reprise, bah, c'est un peu le cas de la suite de la chanson, mais un petit peu plus calme cette fois-ci. Oui. Et un petit peu plus vieux. Un petit peu plus vieux, effectivement, parce que j'ai envie de vous parler des Minicums. Grosse Madeleine de Proust pour moi, peut-être pour vous, je ne sais pas. Si vous regardiez beaucoup la télé française. Bah surtout les Minicums et quelques autres sur donc vous êtes flipper pas... genre les Marionnettes elles faisaient peur je trouve. Elles étaient un peu chelou. Elles étaient un peu chelou. Tout. Mais ça. Parce que je sais qu'en Belgique le enfin je suis belge mais de parents français et je sais que certains étaient plus team blabla et pas trop Minicums. Voilà. Donc Dans le genre marionnette qui fait flipper Oui, c'était blabla était pas mal. Il était dans le top 3. Donc les Minicums émission extrêmement culte pour les gosses des années 90 et 2000 puisque ça a été diffusé entre 93 et 2002, diffusé sur France 3. Donc des marionnettes qui faisaient un peu peur, qui faisaient des sketchs entre les épisodes de dessins animés et toujours ces marionnettes représentaient des gens bien connus à savoir Nagui, Johnny, Josiane Balasco, MC Solar, Vanessa Paradis, Antoine Decaux, Gérard Depardieu, plein de gens comme ça qui faisaient plein de bêtises, qui avaient quand même souvent un humour assez grinçant, assez chouette. Et bien pour ça, il y a eu plein de musiques créées, parfois des reprises, parfois des créations pures. Et souvent, et bien c'était des choses qui pouvaient pas mal rester en tête. Et toujours dans des styles musicaux très très variés. Ils ont fait des trucs eurodance, des trucs de musique arabe, de rap, de reggae. Ils avaient des chouettes messages dans leurs chansons, parfois pour se moquer des boys bands, parfois avec des titres Stop Stop La Clope. Quand même, c'est pas mal intéressant de dire ça aux gosses à l'époque. Et il y avait aussi L'eau, le feu, le vent, légèrement inspiré de Bob Marley, ode tout à fait écologiste, qui était quand même pas une évidence à l'époque, et très inspiré de Bob Marley. Et voilà, je vous propose d'écouter ça. C'était assez, assez kitsch, assez drôle, assez... Oh, L'eau, le feu, le vent, les mini-coms, cette chouette Madeleine de Proust, une création de Roddy Julien et Philippe Almosnino pour les musiques. Petit PS, Mamélissa, qui était leur plus grand titre, a quand même été disque d'or. On peut très rapidement parler de la nouvelle version des mini-coms avec Rihanna, Kev Adams, Norman. Et on peut arrêter tout de suite parce que c'est pas si ouf. Voilà, merci beaucoup. Okay. La suite, Maxime, c'est bien plus vieux et c'est bien plus fou. Oui, enfin, en fait, je vais vous parler d'une histoire assez hallucinante. C'est celle du groupe The Monkees. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais le groupe, mais pas leur histoire, en tout cas. Oui, vous voyez. En fait, il faut savoir que c'est un groupe qui a été monté de toutes pièces, tout part d'un homme, ce gars s'appelle Bob Rafelson, et il voulait créer une série pour concurrencer le documentaire The Hard Day's Night des Beatles. Donc il veut une série qui parle et met en avant un groupe. Ils passent donc un casting et font un groupe de quatre gars avec une belle gueule, une belle mèche. Et parmi les quatre, il y en a deux qui n'ont jamais touché un instrument de musique de leur vie. Logique implacable. Évidemment. Pour créer un groupe, bien sûr. Donc dans la série, c'est eux qui chantent, c'est leur voix, mais à aucun moment, ils ne jouent d'instrument. Et la série, elle a eu un succès énorme au point que lorsqu'elle s'est arrêtée, les quatre gars ont gardé le groupe et se sont produits en live. Mais avant de partir en tournée, évidemment, cours express de batterie et de guitare pour les deux qui ne savaient absolument pas jouer, évidemment. Je trouve que cette histoire, elle est complètement folle. Je trouvais ça complètement fou. Et on va s'écouter un de leurs titres bien connu, c'est « Believer ». Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. And I'm a believer. Yes, le petit. On entend. Oh, le beau câble. Bienvenue à Radio Panique. The Monkees, Believer pour leur série The Monkees. La suite, c'est plus récent et c'est un petit peu plus médical. Tout à fait, Arthur. Je vois que tu me lances une perche plus récente. De 4 mètres. Exactement. Entre 2001 et 2008, cette série, je vais vous parler de Scrubs, une série que j'apprécie tout particulièrement. Alors, on va commencer avec un petit fun fact. J'ai vu qu'on avait mis tout plein dans la préparation de l'émission. La série a été magnifiquement traduite par Toubib or Not Toubib. j'ai vu sur Wikipédia que c'était apparemment le titre en Belgique et sur d'autres que c'était le titre au Québec. Donc, je vous dis les deux, comme ça au moins. Ce serait bien le style du Québec. C'est ce que je me suis dit. Mais bon, voilà. Wiki dit Belgique, je lance la perche, mais je vérifie et je suis prudent dans l'information lancée. Après, Toubib or Not Toubib, je dirais que pour une fois, ça passe. Ça passe bien, tu vois. C'est quand même franchement intelligent. Ils ont fait pire. Ils ont fait pire, tout à fait. Alors, Scrubs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de John Dorian, JD dans la série, interprété par Zach Braff, qui est devenu réalisateur entre-temps de films, interne, puis médecin à l'hôpital du Sacré-Cœur. Alors, JD, c'est un peu le gosse qui est toujours en nous, sauf que lui, pour le coup, eh bien, il est bien extériorisé, il ne l'intériorise pas du tout, et il est vachement démultiplié. En plus d'être très drôle, cette série, en tout cas selon moi, est une véritable grosse discothèque de discographie, de gros classiques de la musique, en tout cas à mon goût. Mes goûts musicaux, Foo Fighters, U2, Coldplay, Queen, James Brown, Elton John, bref, quand on n'a pas d'idée de chanson quoi écouter, on va sur la soundtrack de la série, il y a toujours de bonnes choses à aller piocher, très sympa. Et la musique est très importante dans la série pour son rôle un petit peu illustratif de l'histoire, parce qu'on a l'impression à chaque fois que les paroles de la chanson semblent parfaitement collées à la situation. Alors j'ai lu que le réalisateur Bill Lawrence explique qu'en général quand ils écrivaient l'épisode, ils avaient déjà la musique qu'ils allaient diffuser pendant l'épisode en boucle qui tournait dans la tête, et il remarquait aussi que de plus en plus de séries se terminaient par des petits plans de coupe, des petites scènes sans paroles, juste avec de la musique, et il voulait marquer le coup en choisissant vraiment à chaque fois les bonnes musiques avec les bonnes scènes et les bonnes choses, donc très sympa. C'est là qu'on voit toute l'importance de la musique et toute la force, et que si on pense les trucs à l'avance avec la musique, ça peut donner des trucs très très forts. Ça donne très très bien, ça rajoute une dimension totalement en plus. Alors Bill Lawrence, en plus d'avoir de bonnes idées, il est assez sympa parce qu'il encourageait tous les acteurs de la série à proposer leurs coups de cœur musicaux, à proposer des choix. C'est notamment Zach Braff, l'acteur principal, qui a choisi la musique qu'on va écouter après, qui est le générique de la série. Et la femme du réalisateur est aussi actrice dans la série, et donc petit subterfuge des acteurs, quand ils avaient vraiment envie de diffuser une musique dans la série, plutôt que de passer directement par le réalisateur, ils allaient directement voir la femme du réalisateur en lui disant « Tiens, tu lui suggérerais pas de passer cette petite chanson ?» Et en général, monsieur se pliait aux exigences de sa douce. On termine, avant de s'écouter le générique de Laszlo Bane, I'm No Superman, par dire aussi que la musique est aussi présente dans la série avec un groupe en interne, un groupe a cappella, avec très un monsieur avec une espèce de calvitie et des longs cheveux, c'est un combo très particulier mais ça vaut le détour, avec un kazoo pour s'accorder à chaque fois, qui font des reprises. Et le groupe qui est dans la série, qui s'appelle les Joyeux Pinsons, existe exactement. Et fait des tournées. Il s'appelle The Blanks, je pense, donc un faux vrai groupe dans la série. On va pas l'écouter. Là, je vous propose le générique, Laszlo Bane, I'm No Superman. 1, 2... Out the door, just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Just plugged into the wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when Superman. Line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told. Gotta break free to break the mold, but I can't do this all. I'm No Superman de Laszlo Baines, générique donc de Scrubs. On continue sur une petite chanson mélancolique, mais niveau télévisuel, là on change totalement de style. On est dans un tout autre style exactement, puisqu'on passe vers l'anime, c'est-à-dire le manga en animation, style japonais. Et moi je voulais vous parler de Beck, Mongolian Chop Squad. Rien à voir avec l'artiste Beck ou avec Jeff Beck, bien que ce soit une référence à ça. Mais donc Beck, Mongolian Chop Squad, c'est un anime par Harold Sakuishi, qui a été diffusé entre 2000 et 2008. Moi, je l'ai découvert sur MCM, plus ou moins à cette époque-là. Et ça parle de Koyuki, qui est donc un jeune japonais qui adore le rock et qui apprend la musique, qui apprend la guitare, qui dort avec sa guitare aussi parce qu'il est un peu barré, et qui va créer son groupe avec d'autres musiciens très, très, très, très sympathiques. Et ce groupe s'appellera donc Beck. Et malheureusement, quand ils diffusent leur album aux États-Unis, ça c'est vraiment dans l'histoire de la série, eh bien Beck, l'autre artiste, existe déjà, et donc ils vont s'appeler Mongolian Chop Squad aux États-Unis. Et voilà, et le groupe va pas mal marcher avec toutes les péripéties folles que ça induit, d'aller en festival, d'avoir des concerts qui foirent, d'avoir des kidnappings, des guitares mystiques qui sont volées, et aussi d'avoir une copine, c'est quand même sympa. Et donc quand Koyuki ne chante pas, eh bien ça part dans une sorte d'hommage à Rage Against the Machine, un peu plus, mais un petit peu plus rock classique. C'est franchement pas inintéressant, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait la série fait plein de références aux grands noms du rock avec des super moments de musique live, et notamment des fantasmes d'ado qui apprend à jouer la guitare, c'est-à-dire genre monter sur scène invité par le groupe comme ça qui dit toi monte sur scène, viens chanter. Eh bien, il va tout déchirer après avoir fait quelques fausses notes. On va les goûter juste après. Mais voilà, tout l'intérêt de cette série, en fait, c'est que même les musiques, en plus de ce qu'on entend de musique qui existe déjà, même les musiques qui ont été créées pour l'occasion sont crédibles, notamment au niveau de l'accent du chanteur qui a vraiment un accent japonais. Au niveau, il y a toujours un rendu enregistré assez basique, un côté un peu naïf du groupe qui sort son premier album, qui fait encore des trucs pas forcément hyper compliqués, mais avec plein de patates. Et ça donne très très bien, et donc je vous propose d'écouter ce moment de la série quand Koyuki, qui est dans le public, est invité par Dying Breed à monter sur scène pour chanter une chanson avec eux. Il commence par se foirer et puis après ça devient quelque chose d'intéressant. Koyuki, what's your favorite song of Dying Breed? 好きな曲は何かって? 無音ザウォーター because I have special memory. Is that a Max Jork or something? envol pour la Californie. Tout à fait. La Californie arrive. Yeah. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh oui. C'est quoi? Totalement. Newport Beach. Exact. Dit aussi pour la version anglophone. La série parlait de quoi? Parlait principalement des amours et des problèmes de jeunesse que rencontraient Ryan, Seth, Marissa et Summer, les quatre personnages principaux. Mais alors, il y avait un autre personnage important, un personnage à part entière, c'était la musique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais Josh Schwartz, le créateur de la série. Et je suis assez d'accord avec lui, la musique avait vraiment une place super importante dans la série. Quand, par exemple, Ryan, Seth, Marissa et Summer faisaient la fête, ils sortaient dans un bar qui s'appelait The Bay Shop. Et dans ce bar, on y voyait des groupes qui jouaient en live, comme par exemple Nada Surf, The Subways, The Killers. C'est bon, c'était souvent du rock indépendant, mais pas que, puisque même Chris Brown, T.I. et même Steve-O de Jackass ont fait aussi leur apparition dans la série. J'aurais bien aimé dans ma jeunesse avoir un groupe qui reçoit de Subway, un bar du coin qui reçoit de Subway. Ouais, c'est la classe. Hein. J'avoue. Ce genre de truc. C'est quand même voilà. La classe. Je vous dis ça, je dis rien. Ouais, donc vraiment la série, elle a eu un impact super fort pour ces groupes qui vraiment ont été propulsés et mis en avant parce qu'ils n'étaient pas si connus à l'époque. Et un des morceaux de la série et qui est devenu très connu, c'est The Killers, Smile Like You Mean It. Like you. Smile Like You Mean It, The Killers, dans ce memento dédié aux séries. On vous annonçait en début d'émission que ce serait une émission assez dédiée aux séries nostalgie, on va dire. Et justement, tant qu'à être à cette époque-là, dans la série un peu teenage, avec un générique qui est bien resté, qui nous a bien tous marqués, Nicolas. Oui, c'est à moi. One Tree Hill, les frères Scott. Alors, je vous avoue que c'est pas du tout une Madeleine de Proust pour moi. J'ai pas du tout regardé quand c'était en train de sortir. J'ai un peu entendu parler de ça avec mes colocs quand j'étais à Louvain-la-Neuve, puis ma compagne qui s'est mise à redécouvrir la série. Bon, j'avoue que quand elle diffuse un épisode, on est vite pris dans l'histoire du truc avec plein de rebondissements, plein de choses qui se passent à chaque épisode. Bon, bref, voilà. Petit guilty pleasure à ce niveau-là. Mais c'est surtout le même temps une émission de musique. Et j'avoue que mon guilty pleasure, c'est pas spécialement la série, mais c'est plutôt le générique de cette série que j'aime particulièrement. Une chanson de Gavin DeGraw, un parfait inconnu, qui a été l'heureux élu. Gros coup de projecteur sur lui, forcément, mais j'ai un petit peu l'impression, je me trompe peut-être, j'espère pour lui, que le coco il reste et il restera pour toujours un petit peu le mec du générique des frères Scott. Il n'a fait que ça. C'est clairement un one hit band. Exact. Il est apparu, il a fait d'autres chansons, je pense, pour la série. Il est apparu de l'autre côté de la caméra à l'image pour cette série. Et en vrai, cette chanson, I Don't Want To Be, générique, eh ben, je la trouve plutôt pas mal, assez efficace, elle reste pas mal en tête. Et le gars, le petit Gavin, là, il marque des points, contrairement à moi, quand je me mets à chanter à tue-tête dans un petit anglais yaourt parfait et que j'oblige madame à laisser le générique jusqu'au bout, ce qu'elle déteste faire par-dessus tout. Bref, on se l'écoute dans une petite version stripped que j'ai un peu tirée par hasard, je me suis trompé, et on l'a trouvé un petit peu sympa, ça change un petit peu de la version qu'on connaît. On écoute donc I Don't Want To Be de Gavin DeGraw. I don't need to be anything other than a prison guard son. I don't need to be anything other than a specialist son. I don't have to be anyone other than a birth of two souls in one. Part on where I'm going, there's nowhere where I'm coming from. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and I have peace of mind. I'm tired of looking around rooms wondering what I gotta do or who I'm supposed to be. I'm surrounded by liars everywhere I turn. I'm surrounded by imposters everywhere I turn. I'm surrounded by identity crisis everywhere I turn. Am I the only one who notices? I can't be the only one who's learned. I've been trying to be lately. All I have to do is sink a mink and I have peace of mind. I'm tired of looking around rooms wondering what I gotta do or who I'm supposed to be. I don't want to be anything other than me, yeah. And I have everyone's attention, please. Like this and that, you're gonna have to leave. I came from the mountain, the crust of creation. My whole situation made from clay to stone. And now I'm telling everybody, I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and I have peace of mind. I'm tired of looking around rooms wondering what I gotta do or who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. I'm impolitiquement correct, beaucoup plus trash, la série Skins. Nico nous en parle. Tout à fait, je vous en parle maintenant. C'est tout. Ok, d'accord, mais voilà, on n'est pas encore tout à fait méga calé à un niveau relance, etc. Moi, transition. Oui, c'est le début. J'avoue qu'une petite webcam du studio, c'est marrant entre moi qui panique avec l'ordinateur, les différents boutons, les différents lancements de musique, etc. J'avoue que c'est assez sympa. C'est aussi ça la radio. Et donc la petite patate chaude me revient une nouvelle fois. Skins. C'est pas une série qui est très très vieille non plus. C'est en mi-chemin 2000-2010, entre 2007 et 2013. Disons que par rapport à Newport Beach et aux frères Scott, c'est une évolution à peu qui est allée aussi avec l'air du temps, c'est-à-dire que les séries ont commencé à être de plus en plus trash, et clairement, Skins, on est sur un autre niveau que Marissa qui va pas bien et qui du coup boit de la vodka et... ouais, totalement, ou un petit martini dry, parce que voilà, il faut que la rupture passe. Bref, effectivement, c'est un petit peu moins lisse, c'est un petit peu plus politiquement incorrect, ça c'est clair. Le pitch, c'est très simple, c'est une bande de potes, et plus ou moins potes, ils s'entendent pas tous, qui évoluent dans un lycée de Bristol en Angleterre. Alors Skins, tout simplement, fait référence à deux choses dans le titre. Le papier à rouler, qui laisse entrevoir un petit peu la trame, la drogue présente dans la série. Et puis ça veut aussi bien sûr dire peau. Et comme chaque épisode s'intéresse à un personnage différent, comme un grand puzzle, eh ben Skins, papier à rouler, Skins, peau, on se retrouve dans la peau de chaque personnage. La boucle est bouclée. Alors on l'a dit, moins politiquement correct, on aborde des thèmes ultra joyeux tels que la drogue, l'anorexie, la grossesse, la mort, mais aussi des sujets parfois compliqués à aborder pour des ados, l'homosexualité, les familles monoparentales, bref, ça aborde plein de choses. Alors certains diront que c'est un petit peu trop tiré par les cheveux et que ça dépeint un tableau qui n'est pas spécialement celui de la jeunesse anglaise, mais bref, ça aborde plein de sujets. Bah disons qu'ils ont poussé le truc pour que ce soit intéressant pour en faire une série, quoi. Exactement. Mais je suis pas sûr que ce soit si éloigné que ça de la réalité. Entre côté ultra lycée à l'américaine et le côté un petit peu moins joyeux et un petit peu plus bordélique de cette série, j'avoue que je pencherais plutôt pour ce genre d'interprétation, même d'ailleurs, si c'est un poil exagéré. Il y a eu une version américaine de Skins et qui est genre un copier-coller, mais juste dans une ville américaine et qui est chiante. Voilà. Ok. Ben voilà, ça c'est fait. Donc moi, de cette série, j'ai de très bons souvenirs. Bon, il faut reconnaître qu'on n'est pas si vieux que ça dans ce studio. Donc une série qui est pour nous, une série de notre adolescence, n'est peut-être pas forcément pour vous, autres auditeurs de Radio Panique. Mais j'avoue qu'à l'époque, en tant qu'ado, qui me cherchait encore un petit peu musicalement, j'avais quelques groupes comme ça que j'écoutais, surtout rock, j'avais du mal d'en sortir. Et cette série-là, elle a fait découvrir plein de choses, plein d'univers très différents. L'univers de la fête, donc tout ce qui est électro, tout ce qui est un petit peu plus planant, etc. Et j'ai passé beaucoup de temps en parallèle à regarder la série, à aller sur TuneFind, découverte de ce site qui a fait toute mon adolescence aussi, qui reprend toute la soundtrack scène par scène, épisode par épisode de plein de séries. Et donc dès qu'on entend une petite scène sympa, c'est l'occasion d'aller retrouver la musique. Et véritable mine à découverte, encore maintenant, je vous propose d'écouter une chanson de Tricky, qui est un rap sur une instrumentale que l'on connaît bien tous, L is Around the Corner, et je vous laisserai découvrir l'instrumentale. I stand firm for our soil. Liquor, rock, and falls. And they juicy, so juicy. Dress me up in stitchy. Hell is round the corner where I shelter. It's something that's schism. The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor, rock and falls. And they juice me, seduce me. Dress me up in stitchy. Confused by different memories. Details observation when with these conversations. I've watched become a venom, it's my brain with things bomb-like. So I listen, he's a calm kind. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor I come forth. Only juicy, seduce me. Dress me up in stupidity. Heads round the corner where our shelter. Living in schizos. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then come with success. You will see. Let me take you down my corridor. My brain thinks bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like, bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like. L is around the corner, un petit peu de slow pop, rap, j'avoue que j'ai oublié le terme, je l'avais en tête avant de reprendre le trip-hop. Trip-hop, merci, on y est. Et cet instru de Glory Box, Portishead, habillé ici, de la voix de Freaky. On passe de l'Angleterre, connue pour son accent, à toujours en fait. L'Angleterre connue pour son accent. C'est incroyable. À une autre époque, Peaky Blinders. Comme je ne sais pas le faire. C'est donc une série sur, en gros, la mafia anglaise à Birmingham, je pense. Donc c'est entre la première et la deuxième guerre mondiale. Donc on est vraiment et en pleine industrialisation. Donc toute l'image est très très grise, bleu, vert, comme ça. C'est assez mais des images magnifiques. Ça a été créé par Steven Knight. C'est disponible sur Netflix. Et la fameuse Amelia Hartley est la musical supervisor de cette série qui est complètement folle, qui est hyper violente, mais aussi assez dingue et assez balèze dans les rebondissements. Et donc cette Amelia Hartley qu'on a, qui est aussi officier sur Black Mirror pour trouver des musiques, c'est quand même pas mal. Et tout l'intérêt de sa démarche, c'est que en gros, en plus des musiques originales qui ont été créées pour la série, qui sont des musiques pour accompagner l'action, on va dire. Eh bien, il y a un usage volontaire d'une musique qui est totalement anachronique pour créer des moments épiques. Et c'est comme ça que sur des gens qui ont un style de ouf dans les années, dans les années 20, plus ou moins, donc qui sont très très classe, toujours en costard, en tissu épais, avec des coiffures où ils sont toujours super rasés sur les côtés, toujours super clean, vraiment la classe absolue avec leur accent dingue. Eh bien, on peut écouter du Jack White, du PJ Harvey, du Nick Cave, qui est d'ailleurs le générique, du Radiohead, ou bien du Idols, qui donne quand même une bonne idée de la violence de la série. Time. Idols, Never Fight a Man with a Purpose. J'avoue que ça m'a donné envie de regarder Peaky Blinders. Allez-y, je sais que tous les deux vous l'avez pas regardé, mais elle est malade. Ah ben on y courra, exactement, Peaky Blinders, ce titre issu. Max, on va terminer tout de suite ce memento consacré aux séries, à la nostalgie, on va dire, surtout avec, là je pense que c'est ta série favorite. Ah oui, ma série préférée c'est Lost, et je vais vous parler justement d'une scène, la scène d'ouverture de l'épisode 1 de la saison 2. C'est une scène que je trouve moi personnellement assez incroyable. Mais pour que je vous l'explique, il faut que je vous résume en un mot la saison 1. Donc en gros, on le sait, l'avion se crache sur l'île, les personnages ne savent pas comment ils vont survivre, sauf qu'ils tombent sur une trappe mystérieuse en plein milieu de l'île. Ils passent toute la saison à essayer de l'ouvrir, jusqu'au dernier épisode, et grâce à de la dynamite qu'ils ont trouvée, dans le dernier épisode, ils arrivent à faire sauter cette fameuse trappe et à voir qu'il y a une échelle qui descend dans le sol. Boum, on n'en sait pas plus. Et là démarre maintenant le premier épisode de la saison 2, avec un mec qui vit sa vie normalement, il se lève, justement il prend un petit vinyle, c'est le vinyle de Mama Cass, il le met, il écoute sa musique, il se brosse les dents, il fait des pompes, il fait des abdos, il cuisine ses petits pancakes, tout à fait normalement. Tout ça avec la musique justement qui est très très joyeuse de Mama Cass, quand soudain on entend une énorme explosion et le vinyle saute, et là dézoome et on comprend que le gars se trouve dans la fameuse trappe, et là toutes les questions arrivent, qui est ce gars, pourquoi il est sur l'île, pourquoi il vit dans le bunker, bref, le gros bordel, et cette chanson que je trouve magnifique, Mama Cass, Make Your Own Kind of Music. There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings. Just to do your thing, the hardest thing to do. But you gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings along. So if you take my hand, and if you must be going, I will understand. You gotta make your own kind of music. Je crois qu'il y a un petit souci avec ton XLR. Ce qui était censé être une belle conclusion. On est là. Magnifique pour ce Je devais arriver tout en finesse. Aïe. Je disais donc Memento, saison 5, épisode 1. C'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Tous les épisodes du Memento sont désormais écoutables sur Spotify. Et tout oui, tout sauf ceux qu'on a perdus. Il y en a très peu. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc si vous voyez un trou dans les numéros d'épisodes, c'est normal. Le Memento. Recherche sur Spotify dans les podcasts. Dis-moi, Maxime. Je voulais juste vous dire un grand merci pour l'invite, c'était vraiment trop bien. Avec plaisir, tu es le bienvenu pour une prochaine émission. Avec grand plaisir. Plus que partagé. Merci à vous. Tout de suite, c'est la suite sur Radio Panique. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le programme. Ben moi, passez une très bonne soirée et à dans un mois. À dans un mois, salut.